CFOU 89.1. Cette semaine, au Mathieu Plancheau. Dans Television Television, un cours universitaire basé sur The Walking Dead. À l'écouteur, on pense à un cours basé sur Drac Lavie. Dans le segment Geek Célix, une découverte pourrait rendre les humains invisibles aux moustiques. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose pour éloigner les Français sur cette blague? Et dans World Wide Web, une carte de Pokémon très rare en vente pour 100 000 $ sur eBay. Il faudrait pas qu'elle se la fasse piquer. Piquer de chou, tu sais. Ouais. Et voici celui qui aimerait mieux qu'on rende les insectes invisibles à la place, Mathieu Plante. Bonjour, bienvenue Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Ash Ketchum. Un peu comme un Pokémon a besoin d'un maître pour l'entraîner, j'ai besoin de quelqu'un avec qui parler. Alors j'accueille Maria Picard. Bonjour. Bonjour Mathieu Plante. Tu vas bien? Oui, je vais bien, toi? Oui, une longue semaine sans se parler au Mathieu Plante Show. Ça ben fait mal. Oui, hein? Ouais. Mais nous revoilà, toujours dans la deuxième saison, épisode 2, hein? Comme ben un DVD, oui. On va pouvoir se taper la série au complet un jour. Ben oui, c'est ça. Fascinant. Aujourd'hui, à l'émission, on va avoir évidemment Television, on va avoir CNX ou What Web. À la fin de l'émission, la geekette en devenir. Oui. Ton segment à toi, la lumière. C'est mon segment préféré. Ben oui, mais c'est sûr, hein? C'est sûr, le mien aussi, ne t'en fais pas. On va commencer avec Television dans quelques minutes, mais avant ça, on va entendre une pièce de chiptune, c'est-à-dire de la musique de jeux vidéo inspirée par les jeux vidéo. Et l'artiste qu'on s'en va entendre s'appelle Yoshito Hinton, voilà. Voici Horny Dinosaurs. On met ses plans de chaud. Ça, c'est fou. Horny Dinosaurs, hein? Dinosaure qui est houhou, hein? Dinosaures affamés de sexe. Avec les petites pattes, comment ils font pour. En tout cas. Franchement, Mathieu Plante. C'était trop. Maintenant, voici Television. Television. C'est Télévision, la chronique qui parle de... Télé? Télévision, t'avais la moitié de la réponse. Eh ouais. Je te donne un demi-point. Ah, franchement. Hey. Donc, commençons avec du québécois, un peu Unité 9. Oui. Qui va être présenté au Festival de la fiction TV. Oh! À SIOS Distribution est fier d'annoncer que la série Unité 9 a été sélectionnée par les organisateurs de la 15e édition du Festival de la fiction TV qui se tiendra à La Rochelle du 11 au 15 septembre. Donc, ça commence aujourd'hui dans la diffusion originale. Unité 9 est inscrite dans la section compétition européenne et internationale. Un épisode de la série sera présenté le vendredi 13 septembre à 16h. Unité 9 est la seule série canadienne inscrite en compétition au Festival de la fiction TV. La deuxième saison de la série Unité 9 débutait hier, mardi 10 septembre, à 20h à Radio-Canada. Ici, Radio-Canada, Télévision, enregistré Inc. Ici. Ici, right here. Maintenant, parlons d'ici, toujours. Vidéotron souhaite une chaîne communautaire anglophone. Ah? Oh, ça me fait prendre un petit accent. Un petit peu, hein? Un petit accent. Voyons voir si t'es capable de le garder pendant toute la chronique. Pour séduire les anglophones, Vidéotron veut lancer une chaîne communautaire anglophone à Montréal. Donc, une chaîne anglophone communautaire. MyTV, qui serait l'équivalent anglophone de la chaîne communautaire francophone MaTV, pourrait voir le jour dès le printemps prochain si Vidéotron obtient les modifications réglementaires nécessaires du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes aux bons amis du CRTC qu'on salue haut la main. Salut! Vidéotron veut faire financer sa nouvelle chaîne MyTV par ses contributions au contenu canadien, comme c'est le cas de bien des chaînes communautaires. Vidéotron demande des changements à ses conditions de licence afin de faire financer sa nouvelle chaîne par les contributions de Vidéotron au contenu canadien. Vidéotron a bon espoir que le CRTC accepte sa demande, notamment parce que l'organisme réglementaire a créé un précédent en 2004 afin de permettre à Rogers de lancer des chaînes communautaires francophones à Ottawa et à Moncton. Bell a aussi fait la même demande cet été au CRTC pour ses chaînes communautaires en vidéo sur demande à Montréal et Ottawa, mais on attend toujours la décision de l'organisme réglementaire. Tant mieux, je veux dire, tu sais, Vidéotron, bon, c'est sûr que c'est TVA, c'est la grande famille TVA, sûrement qu'ils vont quand même parler de choses genre « Oh, crime, la voix est à dans la ville de Lévis aujourd'hui, puis ça va être ça leur contenu communautaire, ça? » Ouais, ça se pourrait mais bien. C'est mieux que rien. Oui. Tu sais, ça oui. leur donne une bonne conscience à eux, puis c'est toujours mieux du communautaire que pas de communautaire. Voilà, bon. voilà. C'est le début du tournage à Montréal de la version anglaise de la série québécoise 19-2 qui commence ces jours-ci. Le tournage de la version anglaise vient de s'amorcer à Montréal pour le compte de la chaîne Bravo qui va diffuser l'adaptation l'an prochain. On a parlé de ça mille fois. Oui, c'est tellement bon. Oh, Caroline, hein? Oh, j'ai hâte que ça recommence. On regarde la photo puis on a déjà le punch final en tête. Mais Caroline, que j'espère que le public canadien va être capable de se garder, de ne pas aller voir les punchs. Ouais. Puis là, nous autres, il va falloir qu'on écoute aussi la version anglophone là, parce que j'ai hâte de voir, faire des comparaisons. Je l'écoutais en temps réel, chaque semaine. C'est rare qu'on fait ça, d'habitude, on va essayer, là, mais... On promet bien des choses. Ouais. Les réalisateurs québécois Louis Choquette, qui a travaillé sur Rumeur, et Éric Canuel de Bon Cop Bad Cop sont attachés au projet pour lequel un seul comédien de l'œuvre originale, c'est Benz Antoine, reprend son rôle. Sphère Média Plus et Éco Média coproduisent les 10 épisodes commandés par Bravo, qui avait annoncé le projet d'adaptation en juin dernier à l'occasion du Banff World Media Festival en Alberta. On avait parlé de ça à Télévision. Les rôles principaux de Nick Barron et Ben Chartier seront tenus respectivement par Adrian Holmes de Arrow et Jerry Kiso de Falling Skies. Le reste de la distribution est notamment composé des comédiens de Maxime Roy. Oui, qu'on avait dit, oui. Tout à fait. Laurence Leboeuf aussi. Oui. On a fait le tour de tout ça, on est tellement sur la nouvelle. Ben oui, mais... Et Mylène Jean-Robic, on est des maîtres. Mais... Ou au moins des centimètres. Au moins. Le tournage se poursuivra. Qu'est-ce que tu veux dire par là? T'es en train de parler de moi, là? Je suis en train de te traiter de petite. Ah non! Le tournage se poursuivra tout l'automne. J'ai hâte. Le réseau, en fait, la chaîne FX aux États-Unis développe une version télévisée, une suite au controversé classique moderne de Bret Easton Ellis, American Psycho. Le roman racontait l'histoire d'un jeune investisseur, un jeune banquier, bref, de la fin des années 80, qui était aussi tueur en série. Un film avec Christian Bale est sorti en 2000 avec le même titre et le même scénario. Le réseau FX va se passer des années après les événements du livre et ils vont mettre en vedette le personnage de Bateman dans sa cinquantaine alors qu'il enseigne un nouvel apprenti. Ce projet-là sera écrit par Stéphane Jaworski et coproduit par Lionsgate et FX. Alison Chimou, Jaworski et Ed Pressman seront producteurs exécutifs. Si on se rend jusqu'à une série, American Psycho continuerait la mode des tueurs en série à la télé en ce moment, entre autres Bates Motel sur Arts and Entertainment, A&E, et Hannibal sur NBC, ainsi que The Following sur Fox. C'est bien bien à la mode. Aussi bien que les noms de séries avec American dedans. En ce moment, sur FX, il y a American Horror Story, The Americans et American Psycho. Ouais. c'est beaucoup d'Américains. Je pense qu'en fait, des paris, voir combien d'émissions qu'on pourrait mettre le plus de mots American dedans. Et Colin, hein, est-ce qu'ils vont pouvoir payer la dette des États-Unis avec cet argent-là? On sait pas. Ben, moi, je pense qu'ils pourraient peut-être. La série de John Logan et Sam Mendes trouve son Frankenstein. Oui, oui, l'acteur britannique Harry Treadaway prêtera ses traits au Dr. Victor Frankenstein pour les besoins de Penny Dreadful, une série horrifique conçue par les artisans de Skyfall. Sam Mendes et John Logan, réalisateurs et scénaristes du dernier James Bond, Skyfall, sont derrière ce drame attendu au printemps 2014 sur Showtime. Penny Dreadful aura pour décor Londres à l'époque victorienne, lieu de rencontre de plusieurs personnages connus de la littérature fantastique et du bestiaire folklorique. Outre Frankenstein, Dorian Gray participera à la série sous les traits de Reeve Carney, interprète de Spider-Man dans une version théâtrale jouée à Broadway. Dracula, Van Helsing ont également été annoncés début 2013 lors de l'annonce du projet. Drôle de phrase, hein? Vu récemment dans Lone Ranger, Harry Treadaway enrichit un casting déjà composé de Eva Green, Josh Hartnett, Timothy Dalton et Rory Kinnear. Le tournage de Penny Dreadful se déroulera le mois prochain à Londres, donc série avec Frankenstein dedans. Cool! Ouais, ça a l'air bon! Pas pire. Ouais! Un succès presque avant même de presque instantané. LeBron James prépare une série sur la célébrité. Ah ben, un autre qui part en folie. Okay. Ouais. Le projet s'intitule Survivor's Remorse et ça va s'intéresser au revers du rêve américain. La chaîne câblée Starz avec un Z a officialisé le développement de cette future série humoristique, librement inspirée de la vie du basketballeur. Ils disent basketteur, je sais pas c'est quoi. Ok, des Miami Heat. Survivor's Remorse. Elle s'intéressera au quotidien de deux amis issus des quartiers les plus pauvres de Philadelphie, devenus des stars richissimes. Loin d'être une pure comédie, la série prévoit aussi de se pencher sur le sentiment de culpabilité qui touche ceux qui s'en sortent vis-à-vis de leurs proches. LeBron James est entre autres associé à son ami d'enfance Maverick Carter pour mener à bien ce projet. Quand même intéressant comme concept. Ouais, quand même. J'aime le titre qui est comme un jeu de mots avec, tu sais, Buyer's Remorse. Ouais. C'est Survivor's Remorse. Ouais, finalement. On va peut-être lui donner une petite chance. Pour une vedette du sport, on part avec quelques points derrière. En plus déjà, là. Ouais. Mais là, c'est pas bien. On va voir. Maintenant, tiens, on est à l'UQTR, université, comme n'en fait pas une, tu sais. Je te suis pas. Moi non plus. Un cours universitaire basé sur The Walking Dead, qu'en dis-tu? Ah! Oui. À l'Université de la Californie et le réseau de télévision AMC croient qu'il est possible d'apprendre quelque chose de la série The Walking Dead. OK. L'Université de la Californie à Irvine a annoncé qu'elle offrirait un cours en ligne gratuit basé sur la populaire télésérie à forte teneur en zombies. Une équipe de professeurs enseignant ce cours est partie sur 8 semaines qui débutera le lundi 14 octobre au lendemain du premier épisode de la nouvelle saison de la série dramatique. Ça veut dire ils s'attendent à ce que les gens étudient au lieu de regarder la série ou étudient en regardant la série. Moi, je dis qu'il regarde la série, puis après, il étudie. La vie est belle, tu sais. Ben ouais. C'est le fun, ça. Ouais. Selon AMC, les amateurs de The Walking Dead savent que l'idée va plus loin que les morts vivants. La série traite de survie, de leadership et d'adaptation à des situations incertaines. Les sujets abordés en classe comprendront la hiérarchisation des besoins en temps de crise, la physiologie, pardon, du stress et la modélisation de la population pour prédire la survie d'une espèce. Ça a l'air lourd, quand même. Ouais, mais quand même. Ça fait penser un peu à des cours de communication. Oui, c'est juste un petit peu. Est-ce que t'avais envie de manger ton prof? Non. Des professeurs en santé publique, en sciences sociales, en physique et en mathématiques enseigneront le cours intitulé, attention, c'est tout le temps long les noms de cours, Société, sciences, survie, deux petits points, les leçons de The Walking Dead. Oh! Ah, c'est cute! Ah, j'ai presque envie de m'inscrire. Ben oui, ben va à Irvine, en Californie. Ben là, t'as dit qu'on peut s'inscrire en ligne. Hein? Oui, ben c'est vrai, c'est gratuit. Ben oui. Ben tu peux le en faire. En plus. Ben pourquoi pas, un peu comme sur iTunes, t'as iTunes University, ben tu peux aller faire des cours en ligne. Ben, ça serait malade, là. On s'inscrit. OK. Yeah. Faut se taper la série. Parlant de série à se taper, True Blood. Ouais. Tout le monde parle de True Blood. Ensanglanté. La septième saison. J'aime les mauvaises traductions. C'est beau, ta traduction. Merci. La septième saison de True Blood sera la dernière. La chaîne américaine HBO a annoncé que la série True Blood signerait sa fin, avec du sang peut-être, avec une septième saison qui sera diffusée. Non, fais pas semblant, c'est pas bon. C'est très drôle. C'est un pacte. Qui sera diffusée l'été prochain aux États-Unis. Dans un souci de diversification de sa programmation, HBO mettra un terme à la série True Blood. Quelle raison de. Sérieux, de diversification de sa programmation? Sont tannés des vampires. Peut-être que ça pogne moins. Je sais pas. Bref, malgré le très très large succès. Ils ont tout été tués. Oh non, il reste plus personne. La saison 7 prévue pour l'été 2014 aux États-Unis sera composée de 10 épisodes pour clôturer la création de Alan Ball. Anna Paquin, Stephen Moyer et Alexander Skarsgård seront à nouveau en tête d'affiche pour le dernier volet de la série. Série qui est une adaptation des romans de Charlene Harris et diffusée depuis 2008 et retrace l'évolution de vampires qui tentent de s'intégrer dans la société humaine. Donc, 2008 à 2014, ça va faire quoi? Six ans. Sept saisons. Voilà. Mm-hmm. C'était écrit dans le titre, je l'ai dit tantôt. En plus. C'est ça. Yes, Seigneur. Bravo. Betty White et Breaking Bad gagnent des records Guinness. Hein? Mm-hmm. Ensemble? Non. Non, ça aurait été drôle, par contre. J'imagine bien Betty White en vendeuse de drogue, toi. Pourquoi pas? Ben, écoute. Elle est capable de tout faire. Elle a fait des tours pendables dans version américaine de... comment t'appelles ça? Les détestables. Oui, c'est ça. Donc, l'actrice de 91 ans a mérité le record pour la carrière de télé la plus longue pour une entertainer féminine. À carrière de 74 ans dans l'industrie de la télé et du cinéma. Et ben, peut-être pas du cinéma. Bref, de la télé au moins. White a fait ses débuts en 1939 et est apparue dans plusieurs des émissions les plus populaires de la télé, dont The Golden Girls, The Mary Tyler Moore Show et The Carol Burnett Show. Elle est présentement en vedette sur TV Land dans la sitcom Hot in Cleveland. Et elle a animé pendant deux saisons la version américaine de des détestables qui s'appelait Betty White's Off Their Rockers, qui a récemment été retirée des ondes malgré les énormes codes d'écoute. Oh, ouais, c'est dans ma triste. Bizarre. Aussi, elle est la plus vieille personne à avoir animé ses samedis soirs, Saturday Night Live. Oui. Après une campagne sur Facebook, on se rappelle, on avait parlé dans une autre chronique parce que ça n'existait pas à l'époque. Ben non, mais ouais. On avait vu ça, oui. Ouais. Pour continuer avec Breaking Bad, aussi une apparition dans le livre 2014 des records Guinness, la série télé la mieux cotée, Highest Rated TV Series, avec un Metascore de 99 sur 100 sur Metacritic.com, c'est-à-dire agrégation de différentes critiques. Et le Guinness World Records 2014 sera disponible à partir du 12 septembre, demain. Oh! Bravo aux deux. Oui. Sofia Vergara est l'actrice la plus riche de la télé. Oh! Mm-hmm. Ah ouais! Crème, en plus d'être belle, elle est riche. Puis d'avoir des gros tatouages. Sa photo. Non, mais sa photo est ridicule, sérieux. Je veux dire, tu mets ça comme photo. Oh merde! À des 14 double Z, triple Z. je veux dire, ça se peut pas. Ah, Photoshop. Ou chirurgie. Sofia Vergara a été nommée l'actrice la mieux payée de la télévision pour la deuxième année consécutive. L'actrice qui joue le rôle de Gloria Delgado dans la série Modern Family, une famille moderne, a gagné 30 millions de dollars de juin 2012 à juin 2013, selon le magazine Forbes. Sa fortune représente plus du double que celle des deuxièmes actrices du classement, c'est-à-dire Kelly Cuoco de The Big Bang Theory et Mariska Hargitay de... c'est New York Unité Spéciale, c'est Law and Order Special Victims Unit. Les deux font 11 millions grâce à leurs rôles respectifs. Tina Fey, Bethany Frankel, les sœurs Kardashian, Melissa McCarthy et Ellen Pompeo se classent toutes à la quatrième place de cette liste après avoir gagné 10 millions en un an. Hey, non mais 30 millions... Hey, hein? Ça n'a aucun sens. Ça en fait beaucoup par tout. Non, ben... attends, arrête de dire non, mais là. Arrête de regarder la photo, là. Ben oui, mais tu là. Tu vas pas penser à d'autres choses. Ben oui, mais là. Hey. J'ai un bel écran. Regarde-moi dans les yeux. Ah, OK, excuse-moi. parlons de faire l'écoute un petit peu à la fin de cette chronique Television, dans le top 15 à 6. Dimanche à Hollywood, sucré-salé, le meilleur de l'été 2013. Juste pour rire, spécial 30 ans. Esprit criminel, qui perd gang, une minute pour gagner, lol, film de gars, film de filles et vengeance. En cinquième, c'est le TVA Nouvelle de 18h. En quatrième, sucré salé à TVA. Troisième, Roue de fortune chez vous, qui n'est pas une émission à TVA. En deuxième, la poule aux œufs d'or, qui est un quiz qui compte, une loterie à TVA. Et en première place, Radio-Canada avec les chefs. Oh! Radio-Canada a deux positions et TVA en a 13. Yish! Ça fait mal. Ouais. Au Canada maintenant, 15e à 6e, America's Got Talent, The Listener, NCIS, CTV, Evening News, la fin de semaine et de la semaine, The Big Bang Theory, Rookie Blue, Unforgettable, Big Brother, 15, on va commencer le top ici parce qu'en 7e, c'est la version du dimanche, 6e, Big Brother du jeudi, 5e, Big Brother du mercredi. Yay, Big Brother! Wow! En 4e, CTV, Evening News de CTV, en 3e, Under the Dome sur Global, en 2e, c'est Masterchef sur CTV, et en 1e, c'est The Amazing Race Canada, comme toujours, sur CTV. Ouais. Il y a beaucoup d'épisodes, je pense, d'habitude, les séries canadiennes. Je sais pas, il me semble que ça dure moins longtemps que ça, mais The Amazing Race a commencé au début de l'été, puis ça, ça dure encore. Ouais, là, dans les dernières, l'automne commence. Ouais, probablement, parce que là, c'est l'autre partie qui va commencer. Là. On va changer bientôt le top 1, ben Colin! C'est pas grave, il va revenir l'été prochain. Oui, ben avec le succès que ça a là, ça peut pas faire autre. C'est sûr, là. Spoiler alert! Donc voilà pour Television. On fait ça en début d'émission à chaque semaine. Dans quelques minutes, on continuera avec C'est un fait Tech Edition. Mais pour l'instant, la deuxième pièce chiptune de la journée, on s'en va entendre The One avec Electronic. C'est-tu bien ça? Attends un peu, où arrête le nom de l'artiste? C'est The One Electronic et le nom de l'artiste. Et voici la pièce Camomile au Mathieu Plante Show. MPS sur C'est fou. Oh, c'est bon. Ouais. Bam! Faut juste faire la semblable. Ouais, OK. bien, c'est Camomile par The One Electric. Un petit peu de chiptune. Oh, Mathieu Plancho, c'est tout ce qu'on fait ici, c'est parler de passer de chiptune. Ouais. C'est de même, fait qu'habituez-vous. Pour ça, ben... Ben, c'est le son pendant la chanson. Ouais, mais pas trop, parce qu'il faut savoir quand revenir. Ouais, je vais pas vous dire de changer de poste, parce qu'ailleurs, c'est mauvais. Hein? Ben, tu sais, on pourrait genre juste dire « Hey, revenez, là! » Hey, ho, hey, toi, c'est un fait, t'es qu'un échec! C'est-tu pas pire, toi? Pas pire, pas pire. C'est drôle. C'est un fait Tech Edition, c'est la chronique qui sort de C'est un fait qu'on fait assemblage requis, mais ici c'est une version technologique. C'est pas merveilleux ça? C'est magnifique. Ben oui. Commençons par les, ce qu'on appelle partout les éphémérides. Moi je veux juste dire que ça s'est passé dans l'histoire de la technologie cette semaine. Oh. Commençons par hier, mardi 10 septembre. Peter Deutsch a posté un message sur comp.archives. Ça c'est un genre de bulletin board sur Internet. C'était sur le Internet Archive Server qui s'appelait Archie. Donc lui et Alan Emtage, dans le fond, il a posté là-dessus en compagnie de Bill Elin. Dans le fond, il avait créé ce qu'ils ont considéré comme le premier moteur de recherche sur Internet. Ils ont créé ce qui s'appelait à l'époque Archie. Et Archie, c'est un engin de recherche. C'est en 1990. Oh. En 1991, Paul Lindner a posté aussi sur comp.unix.misc pour présenter The Internet Gopher. C'est un service d'information, de distribution d'informations. Donc, avant le World Wide Web, Gopher était la façon la plus utilisée de trouver des documents, de partager des documents en ligne. Donc, l'ancêtre d'Internet en 1991. Ah, oh, ouais! On recule ensuite au 9 septembre. En 1940, au McNutt Hall du Dartmouth College, George Stibitz a fait la démonstration de la première utilisation d'un ordinateur à distance. Il s'est connecté au Complex Number Generator au laboratoire de chez Bell par téléphone en utilisant ce qu'on appelle un 28-wire teletype cable, une sorte de câble. Donc, il s'est connecté à distance à un autre ordinateur. C'était en 1940. En 1940, il me semble qu'on se dit, c'était pas rendu là. Non, mais c'était pas public, vraiment. C'était pas utilisé par le grand public. Mais genre, pas du tout. Vraiment pas. En 1947, maintenant, en essayant de régler des problèmes à l'université d'Harvard, la Harvard University Mark II Aiken Relay Calculator, les opérateurs ont trouvé, et là, c'est classique comme histoire, là, je vais la raconter tout croche parce que c'est ce que je fais, mais ils ont trouvé un insecte pris à l'intérieur. Ils ont donc mis ce qu'on appelle maintenant un bug là dans les logs, le journal de bord, et ils ont écrit « First actual case of bug being found ». Donc, c'est la première fois qu'on trouve un bug, un insecte dans un ordinateur. C'était pas la première utilisation du mot « bug » pour un problème d'ordinateur. Par contre, « debugging » est devenu ensuite populaire après cette histoire-là. Oh. C'est cool, c'est en 1947. En 1999, la Sega Dreamcast a débuté en Amérique du Nord. Par contre, plusieurs étaient distraits par le supposé bug du 9999, qui était presque aussi gros que le Y2K, le bug de l'an 2000. Ouais. Et en tout cas, mais bref, c'était la Sega Dreamcast en 1999. Ensuite, on recule au 8 septembre 1930, le premier rouleau de ruban sensible à la pression, transparent et à l'épreuve de l'eau a été vendu. Le nom de marque Scotch est devenu synonyme pour du tape cellophane. Donc, un ruban cellophane, c'est devenu le Scotch tape. Oh! Intéressant. En 1930. En 1966, l'émission de télé Star Trek a commencé à la télévision avec l'épisode de Man Trap. Star Trek allait avoir plus tard une influence immense sur la technologie, sur comment on pense à la technologie et le design. En 1979, le Entertainment and Sports Programming Network... j'étais sûr de l'avoir du premier coup. C'est un trop long nom. Le Entertainment and Sports Programming Network, ESPN. OK, on recommence. L'Entertainment and Sports Programming Network, ESPN, fait ses débuts. C'est devenu ensuite une des chaînes les plus connues. Et c'est devenu, en fait, c'est la chaîne principale qui a causé l'adoption de la télé câblée. Et c'est un des facteurs principaux qui font que les gens, en fond, prennent une connexion à Internet et prennent une connexion maintenant, prennent le package deal pour avoir tous les postes. Là. Mais au départ, quand le câble commençait, c'est ESPN qui a fait que les gens le voulaient. Wow. Donc ESPN, qui est la version américaine de TSN ou RDS, si vous voulez. Ensuite, on recule encore un petit peu au 5 septembre. En 2007, Apple a présenté pour la première fois son iPod Touch, amenant donc le multi-touch, le tactile, si on veut, qu'il y avait sur l'iPhone, maintenant dans la ligne des iPods. C'était en 2007. Et finalement, on recule au 4 septembre. Pour terminer, en 1998, Larry Page et Sergey Brin se sont incorporés chez Google, leur permettant d'encaisser les 100 000 $, le chèque de Andy Bechtolsheim, cofondateur de Sun. Il avait écrit ça à Google Inc. Et Google devait être incorporé pour pouvoir faire de l'argent, donc en devenant incorporé à Kaching. À Kaching. À Kaching. Donc voilà pour la portion historique. Maintenant, des faits un petit peu plus divers en technologie pour commencer. Les téléphones Android. Les utilisateurs sur Android dépensent en moyenne 107,14 $ par commande de commerce électronique, alors que les utilisateurs d'iPhone en commandent pour 107,03 $, donc une différence de quelques cents, ce qui prouve que peu importe la plateforme, tu vas acheter le même produit. Ben oui. Il n'y a pas de différence entre toi et moi. Mais non. Toi puis moi, c'est nous autres, puis c'est Watatata. C'est pareil, puis c'est les... Prends ton gaz également. le premier virus sur téléphone cellulaire, Kabir A, est apparu en 2004. Intéressant. Au-dessus de 23 millions de breuvages gratuits sont bu sur les campus corporatifs de Microsoft à chaque année. 23 millions de breuvages gratuits. Aïe, aïe. Caroline, quand même pas si pire. Il devrait changer genre une pièce. Ben, c'est ça. Nous autres, c'est vos machines, l'autre bar, puis arrange avec toi trop. C'est ça. Un couple marié américain sur 8 apprend à se connaître de nos jours sur les réseaux sociaux. Ah, ben, ça me surprend pas. Moi non plus. Non. C'est la place. Ben, écoute, on est rendu là, je pense. Les bars, là. Ouais, tu sais, tout le monde dit justement, mais là, je vais pas aller rencontrer quelqu'un dans un bar, là. C'est ben trop loser, il bouait. Ça pue le axe. Ben, oui, aussi. Plein de douchebag. Ouais. Et maudit. Fait que, qu'est-ce qui reste à part rencontrer quelqu'un qui est très rond dans une épicerie, mettons? Là? Oui, on veut tous enfoncer dans le panier comme dans les films. Oh, c'est cute! Puis là, il ramasse ta viande qui tombe à temps, puis là. Toi, tu vas trop dans les détails, par exemple. Mais non. Je veux absolument qu'on fonce dedans, puis qu'il échappe, que j'échappe ma viande, bon. Pas un fruit, ma viande. Ben non. Okay. Écoute, un fruit, ça va être tout poqué, là. Après, je pourrais plus le prendre. Il y a ça. eBay. 233 millions d'utilisateurs enregistrés partout dans le monde. 233 millions d'utilisateurs enregistrés, c'est beaucoup. Bill Gates mérite 250 $. Ben, je sais pas s'il le mérite. Il reçoit 250 $. Non, quand même. 250 $ américains à chaque seconde. C'est 20 millions de dollars par jour et 7,2 milliards de dollars par année. Ah, yo. Ça me fait penser au quiz de Ryan Seacrest en ce moment. Oui. The Million Second Quiz. Oui. Où t'es juste assis dans ta chaise, même pendant les pauses, tu fais 10 $ par seconde. Ah, c'est fou, là. C'est génial comme jeu. Ah, je capote. Ça joue en ce moment sur NBC. Écoutez ça. Les noms de domaine sont enregistrés à un taux de plus d'un million par mois. Ah, quand même, il y en a beaucoup. Mm-hmm. 9 ordinateurs sur 1000 sont affectés par le spam. Oh. Pas la viande, là. Ça, c'est au Québec, on appelle ça du cam. Cam. Aux États-Unis, c'est du spam. Spam. Twitter génère environ 200 millions de tweets et 1,6 milliard de recherches par jour. Ah! Juste sur Twitter.com. 700 millions de téléphones intelligents, entre guillemets, sont envoyés sur la planète. Ont été envoyés, pardon, sur la planète en 2012. Je sais pas si ont tous été vendus, mais 700 millions. Ils ont été envoyés sur la planète. Ils ont été chipés. C'est quoi, ils viennent d'être d'une autre planète? De bord à l'autre, ben, j'imagine que tu sais, il y a plus de stock que de demande des fois, peut-être. Ouais. Non, mais bon. Le DVD n'était pas le premier système, le média, si on veut, d'emmagasinage de données optiques commercialisées. Non. En fait, c'est le Laserdisc vendu en Amérique du Nord en 1978. C'était très, très gros. C'est des disques, mais très, très, très gros. Oh. Parlons de jeux vidéo maintenant. Mafia 2, qui a le record Guinness pour l'utilisation du plus de mots qui commencent par F. Tu sais, fuck. Dans un jeu vidéo. Le mot est mentionné 397 fois par les différentes versions du jeu. Précédemment, le record était tenu par House of the Dead Overkill, qui avait plus de 200 fois le mot fuck. Aïe, aïe. Mm-hmm. Dans Batman Arkham Origins maintenant. Il n'y a pas de H à Origins, pardon. Arkham Origins. Origins. Le jeu a l'air d'utiliser plusieurs graffitis qui viennent en fait des vrais murs de la ville du développeur qui est Montréal, Québec, Canada. Spécifiquement, on dirait qu'ils ont pris des tags de l'artiste qui s'appelle Sake ou Sake. Et il y en a un petit peu partout à Montréal. Et dans le jeu Batman Arkham Origins, Origins. Y en a plein. Oh, mais c'est cool! C'est le fun, hein? Oui! Une ville en Espagne, près de Zaragoza, s'appelle Avenida de Super Mario Brothers. Wow. C'est un hommage à la série des Mario, évidemment. Oh. Le nom a été choisi par un sondage en ligne quand ils ont construit un nouveau quartier. On prévoit d'ailleurs nommer plus de villes en hommage à des jeux vidéo. Ah. Tu pourrais avoir Avenida de Sonic the Hedgehog. Ah, c'est dommage cool! C'est le fun. Puis en plus, faudra aller vivre là. Mario, la mascotte. Ouais, faudrait. la mascotte de Mario s'est présentée. Puis là, on le voit faire pointer la pancarte. Ben non! C'est cool, hein? Ouais, toujours dans Mario, la série Mario Party a reçu le prix Longest Running Minigame Series, la série de mini-jeux qui a duré le plus longtemps jusqu'à maintenant dans le livre des records Guinness, Gamers Edition 2009 à 2013. Bravo! Dans Super Mario Bros. 3, maintenant, le power-up, dans la petite botte, Kuribo Shoe. tu peux te promener dedans et faire boing, boing, boing, boing. Bon, bref, Kuribushu, en fait, c'est le nom en japonais pour cet article-là, mais il a été laissé sans changement dans la version anglophone, alors qu'ils auraient dû le renommer Goombashu, parce que Kuribo, c'est le nom du Goomba, c'est celui sur lequel tu peux y piler sa tête, il est brun. Ouais, ouais. En anglais, c'est un Goomba, au Japon, ouais. C'est un Kuribo, et ils ont appelé ça Kuribushu, c'est bizarre. Dans Super Mario World 2 Yoshi's Island, l'ennemi Bert the Bashful ressemble étrangement à Obélix dans la série Astérix et Obélix. D'ailleurs, c'est référencé dans plusieurs versions du jeu. Le nom du boss dans la version française du jeu est Belixo, qui est un anagramme d'Obélix. Ah! Ouais. Dans la version allemande du jeu, le boss s'appelle Xilebo. Ça, c'est Obélix à l'envers. Alors qu'en anglais, c'est Bert. Ben là, voyons. Ben tu sais, il est gros, il ressemble à une genre de grosse boule couleur beige. Ben vraiment. Il a exactement les mêmes pantalons et les mêmes souliers, un gros vraiment. Nez. Vraiment. Hey, c'est clair qu'ils ont pensé à ça. Tu peux pas te tromper, ben. Ben là. Dans WarioWare Inc. Mega Micro Games, le jeu a été développé en secret, sans même que le gérant, genre le gars qui s'occupe des, la personne qui s'occupe des jeux vidéo, le sache chez Nintendo. En fait, il a été approuvé après que le jeu a été dévoilé. Donc, ils ont dévoilé le jeu. Hein, on a travaillé là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses? Ben oui, on va le mettre en vente. Ben là. Tu sais comment ils font confiance aux gens? Hey, c'est fou. Donc, ça crée la série WarioWare. Wow. Maintenant, dans Grand Theft Auto 4, des chansons de plusieurs stations de radio de Liberty City Stories apparaissent dans Grand Theft Auto 4. C'est des petites sonneries de téléphone cellulaire. Donc, 6 ringtones viennent à l'origine de la station de radio de Liberty City Stories qui s'appelait Lips 106. Et 3 proviennent de Head Radio Station. C'est que dans Grand Theft Auto, Liberty City Stories, il y avait... tu pouvais, dans ta voiture, changer de poste de radio. Puis c'est des postes de radio fictifs, là, Lips 106. Donc, ils ont repris ces mêmes chansons-là. Grand Theft Auto 5, maintenant, à 270 millions... de dollars, Grand Theft Auto 5 avait le plus grand budget de n'importe quel jeu vidéo de l'histoire. Si on compare ça à des blockbusters d'Hollywood, c'est deuxième derrière Pirates of the Caribbean at World's End, qui avait un budget de 300 millions. C'est un film de Johnny Depp, peut-être? Ouais. Et l'autre est juste en arrière, Grand Theft Auto 5. C'est fou. Dead Island, maintenant, le logo. Ah, ça, c'est bizarre. Sur la couverture nord-américaine du jeu Dead Island, elle a été changée, modifiée pour mettre le zombie... Pour qu'elle ait l'air de marcher sur le sol à la place d'être pendu dans un arbre. Hein? Dans le logo d'origine, dans le jeu, c'est le zombie est pendu par son cou. Okay. Mais sur la couverture, c'est le Entertainment Software Ratings Board, le ESRB. On voit tout à leurs icônes dans le coin des jeux vidéo. Ouais. Genre teen ou quelque chose. Bon. Bref, ils ont des lignes directrices qui parlent, dans le fond, du contenu qui n'est pas approprié pour mettre sur la publicité ou dans le marketing, sur les couvertures du jeu. Donc le logo a dû être changé. C'est bizarre quand même. Bizarre. Le jeu Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, présentement a le record Guinness. Beaucoup de records aujourd'hui pour la plus longue cutscene dans un jeu vidéo. Une cutscene, c'est une cinématique. C'est donc quand tu joues à un jeu vidéo, le jeu arrête et finalement tu vois une scène, tu n'as pas le contrôle dessus, puis après ça, le jeu revient. Là. Bon, oui. C'est une cinématique. Et la plus longue est dans ce jeu-là, Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, 71 minutes. Hein? Pour une cutscene dans un jeu. Ben non. C'est un film, presque. Hey, c'est ben trop long. Mais c'est pour que tu t'investisses dans l'histoire, pour que tu te sentes proche des personnages. Ben oui, mais là, Colin, t'aurais pu me faire ça en 2-3 minutes. Là. Hey, get to the point, hein? Yeah! Oui, non? Of course. Disney's Aladdin, maintenant, le jeu, est sorti sur plusieurs consoles. Les versions Super Nintendo et Game Gear de Disney's Aladdin sont drastiquement différentes des ports du même jeu sur d'autres consoles. C'est qu'en fait, Sega avait le droit de publier des jeux de Disney et avait la collaboration des studios d'animation de Disney. Sega a demandé ensuite à Virgin de programmer le jeu. La version a fini sur la plupart des systèmes, dont la NES et la Game Boy. Par contre, le port Game Gear a été programmé par la compagnie Sims à la place de Virgin Interactive, donc le gameplay et le design des niveaux est un petit peu différent. Sur Super Nintendo, et par extension, la version Game Boy Advance, qui était basée sur la version Super Nintendo, elle a été développée par Capcom, et Capcom qui avait toujours le droit, et encore aujourd'hui, de développer des jeux reliés à Disney sur les consoles Nintendo. Non, à l'époque, il y avait encore le droit, je crois que ce n'est plus le cas, mais je m'excuse. Bref, ils ont fait leur propre jeu avec leur propre gameplay, leur propre niveau. C'est ça qui est bizarre, il y a plein de jeux comme ça, mettons les jeux basés sur des films. Souvent, on va voir dans les publicités, bon, c'est disponible sur PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo, Wii U, tu sais, PC, Mac, mais il y a plein de versions qui sont pas les mêmes. Ouais. Donc, t'arrives, tu l'achètes sur, mettons, la 3DS, et c'est un jeu, mais complètement différent de la version sur Wii U. C'est un peu décevant. Ou encore le fun, parce que comme ça, t'as deux jeux, mais faut que t'achètes les deux. Ouais, ben c'est ça. Non, je pense que ça devrait être tout pareil partout. Je sais bien que c'est du code, c'est super compliqué, mais il me semble qu'il devrait, en 2013, y avoir une façon d'émuler certaines consoles, au pire de downgrader un peu les graphiques, mais j'y connais rien et c'est pour ça que je travaille pas dans le domaine. Le jeu Diddy Kong Racing, pour terminer, Diddy Kong Racing, c'est le jeu de course avec Diddy Kong, hein, c'est d'où le nom Diddy Kong Racing. Ben oui, à l'origine, il était supposé être un jeu de course normal qui s'appelait Pro-Am 64, donc juste un jeu complètement des plus standards. Shigeru Miyamoto, qui a créé Donkey Kong et Mario, a suggéré que Rare, la compagnie derrière le jeu, devrait peut-être faire de Diddy Kong une mascotte pour le jeu. Oh. Et c'est ce qu'il a créé. Donc, ils ont pris plein de personnages de la série Donkey Kong et même outre ça. Mm-hmm. Et puis, ils les ont mis dans le jeu. Très bonne idée. Très bon. Ça a fait que j'ai joué parce que j'aurais jamais joué à Pro-Am 64. Non, sûrement pas. Hein? T'as connaissé un... Moi, un jeu de course, il n'y a pas Mario ou Donkey Kong dedans. Hein? Ou peut-être les vedettes de Sega. Peut-être. Ouais. Non. Voilà pour cette fête Tech Edition. On prend une pause, on revient avec une deuxième partie du Mathieu Plante Show. Et d'ici la fin de l'émission, Marie-Ève, ça s'en vient. Ça s'en vient. La geekette en devenir. Ben oui, ben oui. Mais avant ça, c'est NX, restez là, c'est MPS, le Mathieu Plante Show. Ah, c'est fou. Bonjour Mathieu Plante Show, en compagnie de Marie-Ève Picard. Bonjour. Et de moi-même Mathieu Plante, bien sûr. Deuxième partie de l'émission qui commence à l'instant, sans plus tarder. Voici la chronique Geek CNX. Bravo encore, Marie-Ève. Merci, merci. À chaque semaine, tu me surprends. Ben oui, je sais. Tu fais pareil, pareil, pareil. Ouais. Donc, commençons le bulletin Geek CNX avec, évidemment, on n'a pas le choix, on ne peut pas passer à côté. C'était hier que ça a été révélé, mardi 10 septembre. Le nouvel iPod, le nouvel iPhone. iPhone, ouais, franchement, sacré live. Comment? 5C et 5S, deux nouveaux modèles. Évidemment, tout le monde en parle en ce moment. C'est sûr que vous avez sûrement lu quelques affaires là-dessus, mais parlons-en quand même. Phil Schiller a eu l'honneur de dévoiler la convoitée nouvelle gamme de téléphones intelligents de son entreprise. D'abord, le iPhone 5C, dont les caractéristiques techniques sont identiques à celles de l'iPhone 5. C'est vraiment l'évolution de l'iPhone 5 parce que le iPhone 5 n'existe plus dorénavant à partir du 20 septembre. Oubliez l'iPhone 5. Il est divisé en deux. Et le 5C est la même presque chose que le iPhone 5. Bref, équipé du même processeur A6, le même écran Retina, la même caméra 8 mégapixels, la même caméra frontale de 1,2 et 1 G de mémoire vive. Par contre, ils ont changé la pile qui est de plus forte capacité et l'appareil va supporter un plus large éventail de signaux LTE, ce qui veut dire qu'ils vont arrêter de faire, en tout cas, c'est ce qu'on comprend, là, qu'il va y avoir moins de modèles. Aux États-Unis, il y avait plusieurs compagnies qui ont différents standards LTE. Et il devait y avoir plusieurs versions de chaque iPhone. Ça devient vraiment compliqué d'avoir le 16, le 32, le 64 gig. Ouais. Ensuite, y es-tu blanc, y es-tu noir? Ensuite, y es-tu LTE pour tel réseau? Tel, ça fait qu'il y avait comme 32 genres de différents modèles. On les voyait pas en magasin, mais c'est pareil. Ouais. Donc, l'iPhone 5C est offert dans une variété de couleurs, blanc, rose, jaune, bleu et vert. Et là, on parle de couleurs flash, un peu comme les iPod Nano. Oui. C'est très cute. Oui. Les côtés sont un petit peu plus courbés. Mm-hmm. Ça fait très, très iPod Touch, vraiment, vraiment ouais. Beaucoup. Le modèle, c'est ce que je voulais dire par iPod Nano tantôt. Faites semblant que j'ai dit iPod Touch. le modèle avec 16G des capacités va être à 599$, 600$. Sans contrat, évidemment. Et la version 32GB, 719$. C'est beaucoup plus cher que les modèles précédents qui étaient, on l'avait en bas de l'article ici. C'était 700$ l'iPhone 5, le modèle de base. Attends un petit peu, est-ce que c'est bien ça? 700$ et là, ça monte à 719$. Bon, c'est juste... Non, je pense que ça, c'est la comparaison avec l'iPhone 5S. Je m'excuse, je dis n'importe quoi. Peu importe, mais ce qu'on sait, c'est qu'aux États-Unis, le modèle de 16GB du iPhone 5C va être 100$ et le modèle 32GB va être 200$. Donc, à contrat de 2 ans, ça devrait être similaire au Canada. Mais sachez que débarrer les $600. Ensuite, Phil Schiller a présenté l'iPhone 5S avec le premier processeur architecture 64 bits. Un peu comme sur les ordinateurs, on passe d'un grand bond en avant côté performance. Et ça va être avec le processeur A7 au lieu de A6. Encore une fois, une grosse avancée. Là. Il y a plein de chiffres et de ses meilleurs par X facteurs. Ouais. Mais bon, là, on s'embarque dans des affaires qu'on connaît un petit peu peut-être moins, là, l'intérieur de notre téléphone. 10 heures de conversation 3G, 8 heures de navigation 3G, 10 heures de navigation LTE, 10 heures de Wi-Fi, 10 heures de lecture vidéo, 40 heures d'audio et 250 heures de veille. Ah, c'est quand même. Oui, c'est gros. Même si c'est des choses qu'on ne voit pas vraiment. Ce qu'on voit, par contre, c'est le lecteur d'empreintes digitales situé au même endroit que le bouton principal. Donc, ça remplace le bouton Home. Oui. C'est une lecture de l'empreinte du propriétaire qui va lui permettre de s'authentifier plus rapidement. Donc, à la place de d'appuyer sur le bouton Power et de faire ton code à 4 chiffres, oui. À la place, tu vas juste appuyer sur ton bouton Home. Ça va tout de suite détecter ton empreinte. Boum. Mmh. Beaucoup plus sécuritaire. Tu n'as pas à jamais écrire ton code. Même chose quand tu achètes sur le App Store. Ah! Mettons, tu veux essayer une démo, tu veux juste n'importe quoi. À place d'écrire ton mot de passe... Tu vas juste passer ton doigt. Ah! Oh, c'est normal. C'est le fun. Les gens chialent qu'il n'y a pas le NFC, le Near Field Communication, sur l'iPhone 5S. Personne s'en sert sur leur Android. Et ils veulent quand même l'avoir sur l'iPhone. Je comprends là, que ce serait le fun qu'on ait toutes les options. Mais je comprends Apple d'attendre que la technologie soit vraiment très, très utilisée et vraiment populaire. Ouais. Évidemment, la grosse nouvelle pour les gens qui sont un petit peu plus côté look, c'est la version dorée. Oui. Donc, on parle des trois modèles de couleurs. Il y a le gris cosmique, qui est une version, la nouvelle version du noir, en fait. Même les autres, comme iPod Touch, qui étaient noirs, vont maintenant être aussi Cosmic Gray. C'est le gris cosmique un petit peu plus pâle. Il y a aussi or et argent. Ça, c'est le modèle, pareil comme le modèle blanc, qui va aussi continuer, mais le modèle, à la place, a un petit pourtour doré. Et le bouton Home a une petite bague, on dirait, autour. Mm. Ça fait très, très jaune, genre. C'est très beau. Oui, ben c'est cool. Moi, je trippe vraiment pas, mais je peux comprendre l'intérêt. Le modèle avec 16 gigs d'espace se vendra 720$ sans contrat. Et celui de 32 gigs, 820. La version avec 64 gigs va être 920$. Et là, c'est là que la référence de l'iPhone 5 était vendue à 700$ à l'aide. Donc, ils ont monté les prix un peu. Vous allez pouvoir commander l'iPhone 5 dès après-demain, vendredi, le 13 septembre. Les nouveaux modèles vont être lancés le 20 septembre, donc c'est vendredi suivant. Wow! Évidemment, il n'y a pas de précommande, il n'y a pas de réserve pour l'iPhone 5S. Il y a une précommande pour l'iPhone 5C aux États-Unis. Je ne sais pas pour le Canada parce que ça vient d'être annoncé. Oh. Mais quand même, pas de précommande, ça veut dire qu'il faut aller attendre en fil. Ah oui? Très, très tôt. Ech. Ton frère, style, très, très tôt. Oui. Il m'a écrit tantôt, est-ce que j'aimerais l'acheter? Pour toi, même. Ah oui, c'est vrai, il voulait se faire envoyer le site. Il me demande, est-ce que je devrais attendre pour l'iPhone 6? Je sais pas quand ça s'en vient. Ben, gars, c'est septembre 2014. Ouais. C'est toujours ça. Les gens sont comme, quand est-ce que ça va être? C'est toujours en septembre. Tous les mois de septembre. Depuis des années, c'est rendu ça. Ouais. C'est la nouvelle normalité, comme on dit. Et qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai dit, tu pourrais attendre au 6 parce qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau dans le 5S. On s'entend, à part les performances, puis le 5 tout court était déjà assez performant. Mais vu que le 5 n'existera plus à partir du 20, mm-hmm. Donc à moins que tu veuilles vraiment absolument avoir le modèle de la génération précédente parce que tu es un petit peu comme moron. non, mais au pire, attends le 5S. Là. Je veux dire, sérieusement, il reste une semaine, là, calme tes pompons. Donc, soit attendre le 5S ou soit attendre le 6. Moi, c'est ce que je pense faire, attendre le 6. Ouais. J'aime bien passer à chaque deux générations pour avoir le modèle... Le meilleur, le gros chiffre. Oui. Mais non. Non, c'est recommandé pour ceux qui ont le 4 ou le 4S, mais même là, prenez-le si vous avez l'opportunité parce que vous avez terminé votre contrat, mais garochez-vous pas à finir votre contrat, à payer le montant. C'est ça, exorbitant, juste pour avoir le nouveau. Là. C'est cool, mais c'est bon. Mm-mm. Bof. Sony maintenant s'inspire de la Ouya avec la PlayStation Vita TV, une nouvelle console bon marché qui vous permet de jouer à des jeux conçus pour la PlayStation Vita sur votre téléviseur. Prévue sur le marché japonais le 14 novembre, la PlayStation Vita TV partage les mêmes caractéristiques que la console dont elle s'inspire, à l'exception de la mobilité. Lecteur de carte PlayStation Vita, d'un lecteur de carte mémoire, d'un port USB 2.0, port HDMI et port Ethernet, Wi-Fi BGN et Bluetooth 2.1. Donc vraiment une grosse boîte multimédia pour jouer vos jeux de console portable PlayStation Vita. À la console diffuse un signal selon les normes 480p, 720p et 1080i, pas 1080p, étrangement, qui est pas mal meilleur que 1080i. Là. C'est pas rien qu'une lettre, là. C'est beaucoup de différence. Ouais. Elle sera offerte en deux versions, la console seule à 100$ et accompagnée d'une manette DualShock à 150$. Ça, c'est la manette de la PlayStation 3. Difficile de ne pas faire de comparaison avec la Ouya, qui est la console Android, qui a été lancée un petit peu plus tôt cette année. Donc, la PlayStation Vita TV, qui va être compatible avec les jeux PlayStation Vita. À l'exception des jeux qui demandent l'écran tactile à l'avant ou l'écran, le pavé tactile à l'arrière de la console, ce qui élimine pas mal d'options de jeux. La console permet également de visionner des contenus de Netflix et Hulu. Donc, ça devient un petit peu comme une boîte Roku ou une autre boîte multimédia. Comme la PlayStation Vita, la console portable, donc la console sera en mesure de communiquer avec la PlayStation 4 afin de jouer au titre proposant la fonction Remote Play. Sony n'a pas encore annoncé son intention de lancer la PlayStation Vita TV ailleurs qu'au Japon pour le moment. Ce qui est bizarre, c'est le nom. PlayStation Vita TV, ça me dit que ça va être une TV. Ouais. Mais c'est pas une TV, ça. Moi, j'avoue que... Je repense, en disant, je me suis dit Apple TV s'appelle aussi Apple TV. C'est pas une TV, ça. Ouais, mais je sais pas, on dirait que ça fitait plus. C'est moi, tu sais. Je sais pas. C'est juste une Vita Box, au pire, je sais pas. Ouais, ça fait copier. Microsoft a le copyright sur la box. Oups. Bon. Une découverte pourrait rendre les humains invisibles aux moustiques. On a fait la blague en début d'émission, personne n'a compris parce qu'on l'a dit trop vite, parce qu'on était pressé en début d'émission. on va arriver plus de balance, tu vois, la prochaine fois. Les moustiques, ma blague était, à la place de rendre les humains invisibles aux moustiques, on devrait rendre les moustiques invisibles pour que j'aille les voir. Mais si tu fais ça, les moustiques invisibles, ils vont piquer pareil et tu verras pas. C'est ça. C'était ça la blague. On comprend-tu? Oui. Oui. Bon, j'ai expliqué ma blague, c'était pas plus drôle. OK. Des chercheurs américains. Comme les grandes gueules. Non! Pas dans le micro, tu vas péter. Ben non. Bon. Donc, des chercheurs américains affirment avoir identifié des substances qui se produisent naturellement sur la peau humaine et qui empêcheraient les moustiques de repérer leur cible. La nouvelle a été annoncée en Indiana à l'occasion de la 246e Assemblée et Exposition nationale de la sécurité de la Société chimique américaine, la plus importante société scientifique de la planète. Le chercheur Ulrich Bernier du département de l'agriculture des États-Unis et ses collègues ont déterminé que certaines substances comme l'acide lactique, une composante courante de la sueur humaine, attirent irrésistiblement les moustiques. En revanche, d'autres substances produites naturellement par la peau ou par les bactéries qui s'y trouvent laissent les moustiques complètement indifférents. Le docteur Bernier a précisé que certains de ces produits bloquent l'odorat des moustiques, ce qui pourrait expliquer pourquoi les insectes sont attirés par certaines personnes plus que par d'autres. L'architecture moléculaire de ces substances se retrouve déjà dans une multitude de produits et elle pourrait donc être incorporée à des produits cosmétiques, des lotions, des vêtements et d'autres produits qui incluent les chasses moustiques. Monsieur Bernier a rappelé que les moustiques sont les animaux les plus dangereux pour l'humain, puisque leur piqûre peut transmettre une multitude de maladies qui ferait jusqu'à 1 million de morts chaque année. Donc, wow! Avancer encore une fois technologique, j'espère que ça va se répandre. Mm-hmm. Contrairement à des moustiques, j'espère qu'ils vont arrêter de se répandre. Mm. Arrêtez de copuler, come on, prenez-moi une chambre. Come on! maintenant, parlons de sous-vêtements intelligents québécois. Oh! À la recherche de financement, le projet de camisole intelligente ExoSkin suscite déjà beaucoup d'intérêt sur Indiegogo. La tendance de l'ordinateur vestimentaire bat son plein. Les concepteurs québécois ne sont pas en reste, alors qu'une panoplie de montres intelligentes est sur le point d'envahir le marché dans les prochains mois. ExoSkin propose un sous-vêtement intelligent en mesure de fournir de l'information sur votre état corporel. Donc le rythme cardiaque, la fréquence respiratoire, la vitesse de vos déplacements, etc. Une campagne visant à amasser des fonds afin de développer le produit a été lancée sur Indiegogo, le service de financement collaboratif, avec un montant cible de 100 000 $. Tout porte à croire que le projet aura dépassé ce montant d'ici le 18 octobre. Si tout va bien, à date, ils sont sur une bonne lancée. Il sera possible d'accéder aux données recueillies par l'ExoSkin en temps réel via une application mobile. L'ExoSkin peut être lavé à la machine, les capteurs intégrés à la camisole étant à l'épreuve de l'eau. Il suffit que de débrancher le sous-vêtement de son module électronique situé à la taille. Au coût de 339 $, cette camisole intelligente est destinée aux sportifs qui prennent leurs activités au sérieux. L'entreprise aurait déjà reçu environ 1 million de $ d'investisseurs individuels, l'un des plus importants client à ce jour est l'Agence spatiale canadienne. Ah! Wow! Tabarouette! C'est pas n'importe quoi. Les premiers exemplaires du produit devraient être livrés d'ici janvier 2014. Pff, c'est génial. C'est pas si loin que ça. Mais en même temps, s'il faut les laver tout le temps, à tous les jours, je veux dire, t'achèteras pas 5 camisoles pour chacun des jours de la semaine, non? Ouais, non, il y a ça, là, mais quand même, ça doit se laver rapidement. Là. Faut juste faire un gros lavage. Là. Tu peux le laver, d'après moi, mettons, dans le lavabo avec de l'eau. Là. Genre, tu fais sécher la nuit. Ouais, c'est ça. Génial. Maintenant, un site pour effacer presque toutes vos traces sur Internet. Ah ben. JustDaily.me, créé par Rob Lewis, un développeur britannique, vous offre la possibilité d'en finir avec les différents comptes d'utilisateurs que vous avez pu ouvrir ça et là sur la toile. Sur sa page d'accueil, une importante liste des répertories par ordre alphabétique. Il vous suffit ensuite de cliquer sur le nom du service en ligne avec lequel vous souhaitez en finir et JustDelete.me vous conduira immédiatement sur la page appropriée pour effectuer l'opération. Des boutons qui fonctionnent selon un code couleur en fonction du niveau de difficulté d'opération. Donc, tu sais, vert, ça va être facile, jaune, ça va être plus difficile, etc. Au-delà de son aide en matière de suppression, JustDelete.me pointe du doigt les sites qui empêchent leurs utilisateurs d'enlever leurs données. Rob Lewis a créé JustDelete.me parce qu'il enlevait assez du manque de transparence pour quelqu'un qui souhaitait effacer son compte en ligne. Si les sites répertoriés sur JustDelete.me sont nombreux, la liste n'est pas exhaustive pour autant. C'est pourquoi il accepte sur son blog toute suggestion de site à ajouter. Mais c'est fun, tu vas là-dessus, t'enlèves ton Facebook, ton Twitter, ton LinkedIn. Pas de mauvaise idée. Quand même, hein? Google a noué des partenariats avec une dizaine de domaines bordelais afin de permettre de visiter virtuellement leurs vignobles. Ah. Grâce à son outil en ligne Street View, les internautes vont ainsi pouvoir naviguer autour des châteaux, au milieu des parcelles et dans les chais. Plein de termes que je connais pas. Les domaines viticoles concernés sont pour l'instant les châteaux Lafon-Rocher, de la Brède, de Malle, de Prestac, d'Agassac, Gouadet, Coutet, La Conseillante et Grob, Corbin, Michotte. C'est beau. Ça a l'air beau. Ben oui. Le projet a été réalisé en partenariat avec le musée d'Aquitaine, le centre-ville de Saint-Émilion et l'église monolithe de Saint-Émilion. Google a réussi à capturer l'essence des lieux grâce à la technologie embarquée dans son Tracker, un sac à dos utilisé pour la première fois en France dans le cadre de cette opération. Celui-ci est équipé d'objectifs qui prennent des photos à 360 degrés. Ils peuvent ainsi facilement créer des panoramas, y compris dans les endroits les plus reculés ou jugés inaccessibles. Oh! Magnifique! Ben oui, c'est cool! Fun! Je vais sauter au dernier. Tiens. Restreindre son fils à n'utiliser que de la technologie produite avant 1987. Oh. Afin de passer plus de temps ensemble, une famille de Guelph en Ontario a banni les produits électroniques modernes de leur foyer. Blair McMillan, sa conjointe Morgan et leur fils Trey et Denton, 5 et 2 ans, vivent comme s'ils étaient en 1986. Aïe, aïe. On ne retrouve pas de téléphone intelligent ni de tablette tactile, encore moins d'Internet dans leur maison. Ben là, il va faire rire de lui. Mais l'idée est venue à Blair après qu'il ait demandé à Trey de le rejoindre à l'extérieur de la maison afin de jouer avec lui, et son fils l'a ignoré, préférant continuer de jouer sur son iPad. Vous désirez visiter les McMillan, vous devrez mettre en consigne votre téléphone intelligent ou toute autre technologie trop moderne. Le projet est de vivre ainsi jusqu'en avril prochain dans une modestie irréprochable. Ils ont choisi 1986 parce que c'était l'année de naissance de Blair et Morgan. S'imposant la même restriction, le duo s'est retiré de Facebook, a remplacé la recherche Google par une collection d'encyclopédies et utilise une bonne vieille carte géographique ou le GPS. Ils n'ont pas le câble non plus, que la radio et les journaux pour s'informer. Ils font développer leurs photos de famille au coût de 20$ à la place d'utiliser Instagram. Ils gèrent leur compte bancaire en personne. La voiture est une... Ah, leur voiture est une Kia 2010, par contre. Oh boy! Hey. La famille McMillan souhaite que l'expérience sociale soit filmée dans le but de produire un documentaire. Ah, je pense qu'il y a du cash là-dedans. Mais oui, il y a dans ça. Achetez notre histoire parce qu'on est originaux. Mais oui, c'est ça. Il semblait qu'il y avait une twist. Après ça, ça ne marchera plus. Là. C'est toi qui va revenir dans la technologie. Pouf! Ça sera pas tout long. Tout ce qu'il a appris, il va tout le désapprendre puis il va se garocher dans la technologie. Tellement. Tiens, le temps file. Même plus de chiptune à la place. On va juste retourner avec une autre chronique. À l'instant, voici la section. C'est comme une sous-rubrique de Scénix. On y va rapidement avec Wow What Web. Wow What Web, un petit survol rapide d'Internet en ce moment. Il y a la carte Pokémon la plus rare du monde sur eBay. C'est une des cartes les plus rares de toute la série Pokémon. C'est une 1998 Illustrator Card, donc de 1998, qui a seulement été envoyée au gagnant du Pokémon Card Illustration Contest. Et un utilisateur sur eBay, SM Pratt Lavant, en ce moment, pour, comme on a dit, précédemment, c'était 100 000$. Buy it now, 100 000$. Ça n'a pas marché à date parce que ça fait quand même quelques jours que l'article est sorti. Et il y a eu 594 offres, mais jamais rien qui a approché le 100 000$ du Buy It Now. Mmh. Ouais. Donc, seulement 5 copies flottent encore dans le monde. Il y en a une qui est entre les mains du Official Pokémon TCG Blog. C'est la seule carte à avoir le mot Illustrator au lieu de Trainer. Dans le passé, une carte s'est vendue, elle apparaît comme celle-là, pour 20 000$, ce qui est quand même pas mal moins que le 100 000$ qu'on demande. Ouais, un peu. Hein? Il s'attend à 50 000$. Encore moins. Même s'il a mis le Buy It Now, ouais. Pas super. Non. Ensuite, tiens, Mirror's Edge. Tu te rappelles du jeu vidéo Mirror's Edge? Oui. Tu joues une tueuse, oui. Mais c'est dans les yeux de la personne. Ah, ça doit être malade. Tu vois seulement les bras. Mais bref, il y a quelqu'un qui, en hommage à la version numéro 2 de Mirror's Edge qui s'en vient, Electronic Arts l'a annoncé, c'est un jeu de parcours. Et là, MP Sound a fait une vidéo à la première personne comme dans Mirror's Edge. Oh! Il saute de bâtisse en bâtisse. Ah, ouais. C'est une vidéo YouTube. Pour du parcours, c'est encore plus cool que du vrai parcours. Malade. Parce que d'habitude, ce qui est cool dans le parcours, c'est de voir le monde sauter de bâtisse en bâtisse mais de oui, loin. C'est ça. Mais là, avec Mais là, c'est comme si c'était toi. C'est assez malade. Mais... Tiens, maintenant, un système d'impression par livraison. C'est AIO Robotics et leur imprimante Zeus 3D Printer qui imprime, scanne, copie et faxe des objets 3D. Pas malade, ça. Donc, AIO Robotics qui cible ça pour le grand public qui connaît pas autant la 3D que d'autres gens. Donc, c'est pas autant que les gens qui achètent des imprimantes 3D en ce moment. Oui. Donc, c'est un petit peu plus compliqué d'habitude. Et là, c'est une version vraiment simple. Non. Oh. C'est fait pour être super pratique. Donc, tu sélectionnes, mettons, le bouton fax. Zeus va scanner l'objet qui va être copié, va être envoyé par fichier 3D par oui. Internet à l'autre imprimante. Et l'imprimante qui va recevoir va pouvoir imprimer la copie. Donc, c'est comme du fax d'un objet. Ah! Oh, c'est normal cool. C'est malade. Ouais. Sautons par-dessus quelques trucs, comme toujours. Allons-y avec le gâteau de fête le plus plate au monde. Donc, si vous êtes tanné de voir des marques, des logos partout, faites comme ce gars-là, Chris, qui a essayé de faire la fête d'anniversaire, donc partie de fête, OK, le plus générique possible pour sa femme. Oh. Donc, sur le gâteau, c'est un gâteau au chocolat avec du glaçage, c'est marqué gâteau dessus. Oh. La carte, c'est marqué mardi, le 3 septembre, était mon 35e anniversaire, sincèrement, ton mari. C'est dans une carte bien blanche. Oh. Il y a eu des décorations les plus plates possibles, des ballons les plus génériques, des jeux génériques. Sur le mur, c'est marqué genre ceci est un jeu ou quelque chose comme ça. Oh non. Il disait que sa femme voulait une fête des plus standards. Il lui a demandé donc juste un party bien générique. Elle a dit oui. C'est ce qu'il a fait. Je trouve ça fantastique. Les photos sont sur le site assemblagerequis.com. Mais est-ce qu'elle l'a divorcé? Ah, ça le dit pas, ça. Hein? Ah. J'adore ce prochain blog. C'est sur Reddit, Rude Butty, oui, qui a créé un blog de... Il y a beaucoup de blogs très, très niches sur Internet, donc qui focus sur un seul sujet. Et celui-là prend des arrière-plans de jeux de combat, des jeux de fighting, oui. Okay, et crée des gifs animés. Ah. Donc, dans les jeux vidéo, souvent, il va y avoir, mettons, un grand décor avec, mettons, un pont, une bâtisse, des bûches de bois et un train qui passe en arrière. Donc, il fait des gifs animés. Il y a pas les combattants, il y a juste le décor en arrière et le train qui passe. Oh. C'est super cool, tu peux te perdre pendant des heures là-dessus. Mais donc, le site se nomme THGIF. Donc, allez voir sur le lien sur assemblagerequis.com, c'est pas trop dur à la trouver. Ensuite, Topsy.com qui recherche tous les tweets sur Twitter depuis 2006 au complet. Mettons, je pourrais chercher, c'est fou, faire chercher. Et il y a des millions et des millions de résultats qui datent jusqu'à... Tu peux aller dans les 30 derniers jours, tu peux aller de tous les temps, les mieux cotés, les plus partagés, etc. Aïe, OK. Topsy.com, T-O-P-S-Y.com. Et finalement, c'est du stop motion de Mario Kart. Le gars a dessiné une version 3D à la craie sur l'asphalte de Yoshi, de son go-kart de Yoshi. Mais il a pas arrêté là. Il a pris son art par craie. Il l'a mis dans le vrai monde pour créer du stop motion. Donc, c'est une petite vidéo qui inclut des coquilles de tortues, des bananes et un paquet d'affaires comme ça. Oh. Un peu dur à décrire, mais pour vrai, c'est très, très joli. Donc, lien sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission du Mathieu Planchon, numéro 8. Oh. Maintenant, je me revire de bord parce que c'est à ton tour. J'ai trop parlé. J'arrête pas de parler comme ça. Ça se peut pas. Blabla. Faut me dire qu'arrêtez. Arrête. Ah ben, à vos ordres, chef. Voici la geekette en devenir. Marie-Ève Picard est la geekette en devenir et à chaque fin d'émission, on lui réserve les dernières minutes. Oui. Qu'as-tu à partager avec nous aujourd'hui? Oui. Eh bien, Mathieu, égalité des sexes, toi? Qu'en penses-tu? Non, les hommes sont clairement supérieurs, comme les blancs. Non, c'est pas du tout ce que je pense. Non, les femmes sont égales dans mon cœur. Peut-être pas littéralement dans les salaires, mais au moins dans mon cœur. Et devraient l'être de plus en plus vers le futur. Oh. Voilà. T'essaies de te reprendre, hein? Ben là, c'est vraiment ce que je pense. T'sais. Ah, OK. Tantôt, c'est une blague. Au moins. Voilà. Ben, écoute, Lego est d'accord avec toi? Lego, pas Claude Lego, là. Mais non. Pas Claude Lego, là. Lego. Pas Lego, frigo. Non plus. OK. Je pense que t'as faim. Je pense que oui. Claude Legault me donne faim. C'est pas croyable. Ouh, avec du sirop, là, un peu Claude Legault. OK, bon, donc la compagnie Lego, qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'égalité des sexes? C'est ça. Écoute, ils ont fait une petite figurine qui est une scientifique. Ah, un peu comme Barbie, l'autre fois, avait fait Barbie astronaute. Oui, exactement. Oui, c'était ça. Mais là, cette fois-ci, c'est Lego qui a fait un petit bonhomme Lego. Une bonhomme, si on veut. Ouais. Et c'est ça, c'est une scientifique. Ça lui va bien, en tout cas, son look. Oui, c'est très joli. Mais tu sais, il y avait déjà eu des scientifiques hommes en Lego. Mais là, ils ont sorti la femme maintenant. Ben, c'est un bon public à atteindre parce que pour vrai, et on dit à chaque fois qu'on parle de quelque chose d'un petit peu plus féminin comme ça, c'est que les filles, les jeunes filles sont le futur et la technologie, les sciences. C'est parce que s'il y a juste des affaires de garçons, c'est comment peuvent-elles s'identifier à ça? Exactement. Wow, parfait. C'était beau. C'était parfait. Ouais. Rien à dire de plus. Mais voilà. Ouais. Et tu sais, quand on regarde sur les internets là, pour trouver des choses à dire pour notre émission, oui, des fois on procrastine, certains diraient, qui est le nom du site que tu nous présentes. Oui, exactement. Alors, quoi de mieux que pour procrastiner que de regarder des vidéos de petits chats? C'est ce que tout le monde fait sur YouTube, c'est dans les plus populaires, ça, les vidéos de gens qui jouent à des jeux vidéo pour une raison que j'ignore. Oui, enfin. Et écoute, c'est un petit site là, qui existe depuis maintenant 2011. Et en fait, c'est des vidéos de chats qu'on voit, là, un peu comme des gifs animés, mais qui étaient mélangés avec une chanson là, random, un peu, si on veut. Mais qui fit avec l'image. Exactement. Je sais pas comment ils font pour déterminer qu'est-ce qui fit avec l'image. Est-ce qu'on l'essaye? OK, vas-y, passe-en. Si tout va bien ici, là, on devrait pouvoir entendre Procrastinator. C'est en train de loader, c'est marqué en train de charger un chat. Mm-hmm. Attends. Ce qu'on voit ici, c'est un très, très gros chat dans une barboteuse qui se fait les pattes. C'est cute! Et la chanson est Mr. President de Coco Jumbo. Est-ce qu'on fait refresh? Oui! Attention, oui, mais refresh, je suis en train de... Loading a cat and buffering a song! Yay. On va voir c'est quoi. Oh, on y est presque. Procrastinator.com, donc c'est comme procrastinator, mais avec cat à la place de castinator. Voilà. Hey, c'est long, buffering, par contre, là. Ah oui, un peu, hein? J'ai pas toute la journée, là. Non, ça me fait pas. Allez, voilà. OK. Ici, c'est Major Lazer, l'artiste, avec Hold the Line, et on voit un chat couché sur le plancher en mode évaché et qui tire des lasers avec ses yeux. Donc, Major Lazer. Mais oui. Évidemment. Génial. Mais tu vois, hein, ça donne le goût de procrastiner quand tu regardes ça. Ça vient de passer un bon 2 minutes. Là. Ben oui, écoute, c'est ça qu'on a fait. On a ça, il y a un malaise. Oui, aussi, mais bon. Oh. Hein? Oh. Téléphone qui sonne dans l'écran. Dans l'écran. Ben oui. Voilà. On détaille là-dessus, c'est tout? Non. Moi, je regarde ça toute la journée. Ben oui, on va aller procrastiner. Là. C'est ça. Procrastiner. Ah, Colin, si seulement on n'avait pas à terminer notre émission ouais. Là. Ah, que c'est triste. L'heure avance, hein, que veux-tu? Oh oui, merci Maria Picard. Ça fait plaisir. On se retrouve mercredi prochain entre 16h et 17h pour notre édition du Mathieu Planchon. On est maintenant en rappel, notez-le, c'est les samedis à partir de 15h. Oui! Si ça vous donne mieux de nous écouter là. Consultez la programmation complète de C'est fou sur cifou.ca. Retrouvez les notes de l'émission, les balados diffusion sur assemblagerequis.com. Encore une fois, merci Maria Picard. De rien! C'était Mathieu Plante de la part de toute l'équipe ici du Mathieu Planchon. Merci d'avoir été à l'écoute. Bonne journée, bonne soirée, bonne journée demain. Et ainsi de suite jusqu'à mercredi prochain. Oui! Bye-bye!